Livre troisième. Suite de la poésie dans ses rapports avec les hommes. Passion. Chapitre premier. Que le christianisme a changé les rapports des passions en changeant les bases du vice et de la vertu. De l'examen des caractères, nous venons à celui des passions. On sent qu'en traitant des premiers, il nous a été impossible de ne pas toucher un peu aux secondes. Mais ici, nous nous proposons d'en parler plus amplement. S'il existait une religion qui s'occupât sans cesse de mettre un frein aux passions de l'homme, cette religion augmenterait nécessairement le jeu des passions dans le drame et dans l'épopée. Elle serait plus favorable à la peinture des sentiments que toute institution religieuse qui, ne connaissant point des délits du cœur, n'agirait sur nous que par des scènes extérieures. Or, c'est ici le grand avantage de notre culte sur les cultes de l'Antiquité. La religion chrétienne est un vent céleste qui enfle les voiles de la vertu et multiplie les orages de la conscience autour du vice. Les bases de la morale ont changé parmi les hommes, du moins parmi les hommes chrétiens, depuis la prédication de l'Évangile. Chez les anciens, par exemple, l'humilité passait pour bassesse et l'orgueil pour grandeur. Chez les chrétiens, au contraire, l'orgueil est le premier des vices et l'humilité une des premières vertus. Cette seule transmutation de principes montre la nature humaine sous un jour nouveau, et nous devons découvrir dans les passions des rapports que les anciens n'y voyaient pas. Donc pour nous, la racine du mal est la vanité, et la racine du bien la charité, de sorte que les passions vicieuses sont toujours un composé d'orgueil, et les passions vertueuses un composé d'amour. Faites l'application de ce principe, vous en reconnaîtrez la justesse. Pourquoi les passions qui tiennent au courage sont-elles plus belles chez les modernes que chez les anciens? Pourquoi avons-nous donné d'autres proportions à la valeur et transformé un mouvement brutal en une vertu? C'est par le mélange de la vertu chrétienne directement opposée à ce mouvement, l'humilité. De ce mélange est née la magnanimité ou la générosité poétique. Sorte de passion, car les chevaliers l'ont poussée jusque-là, totalement inconnue des anciens. Un de nos plus doux sentiments, et peut-être le seul qui appartienne absolument à l'âme. Les autres ont quelque mélange d'essence dans leur nature ou dans leur but. C'est l'amitié. Et combien le christianisme n'a-t-il point encore augmenté les charmes de cette passion céleste en lui donnant pour fondement la charité? Jésus-Christ dormit dans le sein de Jean. Et sur la croix, avant d'expirer, l'amitié l'entendit prononcer ce mot digne d'un dieu, « Mater, ecce filius tuus, discipule, ecce mater tua ». Mère, voilà ton fils, disciple, voilà ta mère. Le christianisme, qui a révélé notre double nature et montré les contradictions de notre être, qui a fait voir le haut et le bas de notre cœur, qui lui-même est plein de contrastes, comme nous, puisqu'il nous présente un homme-dieu, un enfant maître des mondes, le créateur de l'univers sortant du sein d'une créature. Le christianisme, disons-nous, vu sous ce jour des contrastes, est encore par excellence la religion de l'amitié. Ce sentiment se fortifie autant par les oppositions que par les ressemblances. Pour que deux hommes soient parfaits amis, ils doivent s'attirer et se repousser sans cesse par quelque endroit. Il faut qu'ils aient des génies d'une même force, mais d'une différente espèce, des opinions opposées, des principes semblables, des haines et des amours diverses, mais au fond la même sensibilité, des humeurs tranchantes et pourtant des goûts pareils. En un mot, de grands contrastes de caractère et de grandes harmonies de cœur. Cette chaleur que la charité répand dans les passions vertueuses leur donne un caractère divin. Chez les hommes de l'Antiquité, l'avenir des sentiments ne passait pas le tombeau où ils venaient faire naufrage. Amis, frères, époux se quittaient aux portes de la mort et sentaient que leur séparation était éternelle. Le comble de la félicité pour les Grecs et pour les Romains se réduisait à mêler leurs cendres ensemble. Mais combien elle devait être douloureuse, une urne qui ne renfermait que des souvenirs. Le polythéisme avait établi l'homme dans les régions du passé. le christianisme l'a placée dans les champs de l'espérance. La jouissance des sentiments honnêtes sur la terre n'est que l'avant-goût des délices dont nous serons comblés. Le principe de nos amitiés n'est point dans ce monde. Deux êtres qui s'aiment ici-bas sont seulement dans la route du ciel, où ils arriveront ensemble, si la vertu les dirige. De manière que cette forte expression des poètes, « exhaler son âme dans celle de son ami », est littéralement vraie pour deux chrétiens. En se dépouillant de leur corps, ils ne font que se dégager d'un obstacle qui s'opposait à leur union intime, et leurs âmes vont se confondre dans le sein de l'Éternel. Ne croyons pas toutefois qu'en nous découvrant les bases sur lesquelles reposent les passions, le christianisme ait désenchanté la vie. Loin de flétrir l'imagination en lui faisant tout toucher et tout connaître, il a répandu le doute et les ombres sur les choses inutiles à nos fins, supérieures en cela à cette imprudente philosophie qui cherche trop à pénétrer la nature de l'homme et à trouver le fond partout. Il ne faut pas toujours laisser tomber la sonde dans les abîmes du cœur. Les vérités qu'il contient sont du nombre de celles qui demandent le demi-jour et la perspective. C'est une imprudence que d'appliquer sans cesse son jugement à la partie aimante de son être, de porter l'esprit raisonnable dans les passions. Cette curiosité conduit peu à peu à douter des choses généreuses. Elle dessèche la sensibilité et tue, pour ainsi dire, l'âme. Les mystères du cœur sont comme ceux de l'Antique Égypte. Le profane, qui cherchait à les découvrir sans y être initié par la religion, était subitement frappé de mort. Chapitre 2. Amour passionné, Didon. Ce que nous appelons proprement amour parmi nous est un sentiment dont l'Antiquité a ignoré jusqu'au nom. Ce n'est que dans les siècles modernes qu'on a vu se former ce mélange des sens et de l'âme, cette espèce d'amour dont l'amitié est la partie morale. C'est encore au christianisme que l'on doit ce sentiment perfectionné. C'est lui qui, tendant sans cesse à épurer le cœur, est parvenu à jeter de la spiritualité jusque dans le penchant qui en paraissait le moins susceptible. Voilà donc un nouveau moyen de situation poétique que cette religion si dénigrée a fourni aux auteurs mêmes qui l'insultent. On peut voir dans une foule de romans les beautés qu'on a tirées de cette passion demi-chrétienne. Le caractère de Clémentine, par exemple, est un chef-d'œuvre dont la Grèce n'offre point de modèle. Mais pénétrons dans ce sujet, et avant de parler de l'amour champêtre, considérons l'amour passionné. Cet amour n'est ni aussi saint que la piété conjugale, ni aussi gracieux que le sentiment des bergers. Mais, plus poignant que l'un et l'autre, il dévaste les âmes où il règne. Ne s'appuyant point sur la gravité du mariage ou sur l'innocence des mœurs champêtres, ne mêlant aucun autre prestige au sien, il est à soi-même sa propre illusion, sa propre folie, sa propre substance. Ignoré de l'artisan trop occupé et du laboureur trop simple, cette passion n'existe que dans ces rangs de la société où l'oisiveté nous laisse surcharger du poids de notre cœur, avec son immense amour-propre et ses éternelles inquiétudes. Il est si vrai que le christianisme jette une éclatante lumière dans l'abîme de nos passions, que ce sont les orateurs de l'Église qui ont peint les désordres du cœur humain avec le plus de force et de vivacité. Quel tableau bourdalou ne fait-il point de l'ambition ? Comme Massillon a pénétré dans les replis de nos âmes et exposé au jour nos penchants et nos vices. C'est le caractère de cette passion, dit cet homme éloquent en parlant de l'amour, de remplir le cœur tout entier, etc. On ne peut plus s'occuper que d'elle. On en est possédé, enivré. On la retrouve partout. Tout en retrace les funestes images. Tout en réveille les injustes désirs. Le monde, la solitude, la présence, l'éloignement, les objets les plus indifférents, les occupations les plus sérieuses, le temple saint lui-même, les autels sacrés, les mystères terribles en rappellent le souvenir. C'est un désordre, s'écrit le même orateur dans la Pécheresse, d'aimer pour lui-même ce qui ne peut être ni notre bonheur, ni notre perfection, ni par conséquent notre repos. Car aimer, c'est chercher la félicité dans ce qu'on aime. C'est vouloir trouver dans l'objet aimé tout ce qui manque à notre cœur. C'est l'appeler au secours de ce vide affreux que nous sentons en nous-mêmes et nous flatter qu'il sera capable de le remplir. C'est le regarder comme la ressource de tous nos besoins, le remède de tous nos maux, l'auteur de nos biens. Mais cet amour des créatures est suivi des plus cruelles incertitudes. On doute toujours si l'on est aimé comme l'on aime. On est ingénieux à se rendre malheureux et à former à soi-même des craintes, des soupçons, des jalousies. Plus on est de bonne foi, plus on souffre. On est le martyr de ses propres défiances. Vous le savez, et ce n'est pas à moi à venir vous parler ici le langage de vos passions insensées. Cette maladie de l'âme se déclare avec fureur, aussitôt que paraît l'objet qui doit en développer le germe. Didon s'occupe encore des travaux de sa cité naissante. La tempête s'élève et apporte un héros. La reine se trouble, un feu secret coule dans ses veines, les imprudences commencent, les plaisirs suivent, le désenchantement et le remords viennent après eux. Bientôt Didon est abandonnée, elle regarde avec horreur autour d'elle et ne voit que des abîmes. Comment s'est-il évanoui cet édifice de bonheur dont une imagination exaltée avait été l'amoureuse architecte? Palais de nuages, que d'or quelques instants, un soleil prêt à s'éteindre, Didon vole, cherche, appelle, aîné, dissimulare etiam sperasti, etc. Perfide, espérais-tu me cacher tes desseins et t'échapper clandestinement de cette terre? Ni notre amour, ni cette main que je t'ai donnée, ni Didon prête à étaler de cruelles funérailles ne peuvent arrêter tes pas, etc. Quel trouble, quelle passion, quelle vérité dans l'éloquence de cette femme trahie! Les sentiments se pressent tellement dans son cœur qu'elle les produit en désordre, incohérent et séparé, tel qu'ils s'accumulent sur ses lèvres. Remarquez les autorités qu'elle emploie dans ses prières. Est-ce au nom des dieux, au nom d'un sceptre, qu'elle parle? Non, elle ne fait pas même valoir Didon dédaigné. Mais, plus humble et plus aimante, elle n'implore le fils de Vénus que par des larmes, que par la propre main du perfide. Si elle y joint le souvenir de l'amour, ce n'est encore qu'en l'étendant sur Aîné. Par notre hymen, par notre union commencée, dit-elle. Per connubia nostra, per inceptos hymnaneos. Elle atteste aussi les lieux témoins de son bonheur, car c'est une coutume des malheureux d'associer à leurs sentiments les objets qui les environnent. Abandonnés des hommes, ils cherchent à se créer des appuis en animant de leur douleur les êtres insensibles autour d'eux. Ce toit, ce foyer hospitalier, où naguère elle accueillit l'ingrat, sont donc les vrais dieux pour Didon. Ensuite, avec l'adresse d'une femme, et d'une femme amoureuse, elle rappelle tour à tour le souvenir de Pygmalion et celui de Iarbe, afin de réveiller ou la générosité ou la jalousie du héros troyen. Bientôt, pour dernier trait de passion et de misère, la superbe souveraine de Carthage va jusqu'à souhaiter qu'un petit aîné, Parvulus Aeneas, reste au moins auprès d'elle pour consoler sa douleur, même en portant témoignage à sa honte. Elle s'imagine que tant de larmes, tant d'imprécations, tant de prières sont des raisons auxquelles Aîné ne pourra résister. Dans ces moments de folie, les passions, incapables de plaider leur cause avec succès, croient faire usage de tous leurs moyens, lorsqu'elles ne font entendre que tous leurs accents. Chapitre 3. La Phèdre de Racine. Nous pourrions nous contenter d'opposer à Didon la Phèdre de Racine, plus passionnée que la reine de Carthage. Elle n'est en effet qu'une épouse chrétienne. La crainte des flammes vengeresses et de l'éternité formidable de notre enfer perce à travers le rôle de cette femme criminelle, et surtout dans la scène de la jalousie, qui, comme on le sait, est de l'invention du poète moderne. L'inceste n'était pas une chose si rare et si monstrueuse chez les anciens pour exciter de pareilles frayeurs dans le cœur du coupable. Sophocle fait mourir Jocaste, il est vrai, au moment où elle apprend son crime, mais Euripide la fait vivre longtemps après. Si nous en croyons Tertullien, les malheurs d'Œdipe n'excitaient chez les Macédoniens que les plaisanteries des spectateurs. Virgile ne place pas Phèdre aux enfers,